quand j'ai plus de thunes. J'ai l'impression que cette pute m'aime plus. Depuis que je la connais, elle prend le taxi. Et même plus le bus, et plus les bus. Mes Gucci, Fendi et Brabus, ça gamble la mort. A chaque fois qu'elle me suce, des string cotes. Elle voit plus de flore, des robinets. Elle aime les histoires de carottes, de menottes, de gros bonnets. C'est dit qu'elle aime. Reine des putes comme Lil Kim, genre de meuf stupide. Il faut des dos si tu pines, si tu peines, mon frère. Patience n'est pas la haine, attends ton tour et marque ton nom en gros sur son cul au stipend. Je suis un de ces mecs, je m'en bats les couilles, c'est une de mes putes. Je pourrais donner un nom, mais balancer c'est pas le but. Sa pose préférée, un billet dans le cul, à quatre pattes. Tu subis si t'as pas thune et que tu te retrouves dans ses pattes. Et toi, long mec, sans thune, c'est pas ton genre de pute. Sois patient, fais ton yébi et je te promets, tu la culpules. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. C'est le genre de meuf que tu vois pas si t'as pas de thune. Elle me dirait s'il te plaît tu peux partir, faut chier, t'as même pas de tir. Mais je peux toujours vendre mes costes là, hein. Non, aïe, non, fais chier, ghetto sitcom l'a fait pas rire. Et mon poteau l'arbu m'a dit, j'ai dû voir grandir Kenza. Pour comprendre qu'un jour les fleurs deviennent des remja. Mais c'est vrai que ces bâtards la respectent même pas. Et le pire c'est qu'elle aime ça. Et on m'avait dit qu'impénétrable est la belle vie. Ah oui? Pourtant je connais des frères qui lui ont mis. Ça va toujours avec un gros. Ils ont mis? Ouais mais sans plus, un rappeur à ce qui paraît. J'ai vu ses affiches au plus. Il a les dons et j'ai la haine. Il est avec cette conne, elle est trop bonne. Et il dort mal la ken. Et quand elle sort, j'aimerais lui dire où tu vas, baby. Elle me répondrait avec plus de Bacardi au baby. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Wesh, elle a du style et une bite comme logo. C'est le genre de go qui se fâche quand tu viens la check en Twingo. Des dessous chauds, une tech à la baisse au niveau. Bref, tu vois le délire pour lâcher tout. Faut les dos, en fait faut les deux. Être gosse beau et avoir du baisse. Un gros big up au joint, faut que tu sois à l'aise quand tu la baisses. Une salope qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle vaut. Petit con, t'as vu son cas vu, tu deviens son capot. Mes potos savent, y'a que de Sacha que je suis esclave. Moi j'y peux rien et même que je le bouffe si elle se lave. Une main sur mon spoof. La nuit je pense à elle, les belles. Je suis à poil et en chien comme son teckel. Ils ont fait d'elle ce qu'elle est. Une michetonneuse toujours en manque. Est-ce qu'elle les suce aussi bien que leur compte en banque? Pour leur orgasme, les femmes ne sont bonnes qu'à glisser. Un pénis de plastique magnétique quand t'es lèvres d'un guichet. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle bouffe de la bite au kilomètre. Je la connais. Donc tu dois la connaître. Trop de feeling quand des crimes sexuels elle vient commettre. Si tu pèses, vas-y t'inquiète, elle va te reconnaître. Elle gère d'une main de maître, elle...